Bonjour mesdames et messieurs, c'est le moment du journal en français de la mi-journée. Tout d'abord les titres. Le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye, a annoncé que près de 10 000 tonnes de sucre seront importées pour pallier à la pénurie du sucre dans le pays. Il a dit ce mardi lors d'une conférence de presse animée. Et beaucoup d'irrégularités ont été observées lors d'enregistrement des moyens de déplacement non rémunérés en mairie de Bujumbura, annonce du ministre Gervé Ndirakobucha ce jeudi dans une conférence de presse. Et plus de 700 élèves de l'Ekofo Kabingo 2 à Giharo, c'est dans la province de Rutana, n'ont pas de latrine, ce qui les pousse à se diriger vers les marais et dans les forêts. Voilà pour les titres. Eli Kouimana assure la mise en onde. Jean-Marie Mayonga, la présentation. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bonjour. Les hommes regroupés en coopérative peuvent contracter les crédits au sein de la Banque d'investissement et de développement des femmes BIDF. Une précision de l'administrateur et directeur général de cette institution bancaire, Sommel Crédit à Karusiro, dans l'atelier de sensibilisation à l'endroit des leaders locaux sur les produits de cette institution financière. Marie Salomé Ndawa Allié appelle les femmes de cette province à approcher cette banque pour leur projet de développement. Le point avec Moïse Misago. Cette banque a été créée pour appuyer les initiatives des femmes pour qu'elles puissent contribuer au développement du pays. Des femmes regroupées en coopérative ou en association obtiennent des crédits à un taux d'intérêt de 7%, précise l'administrateur directeur général de cette institution financière. Certains participants à cet atelier qui a eu lieu au chef-lieu de la province Karusi ont voulu savoir si les hommes regroupés en coopérative peuvent avoir des crédits de la part de cette banque. Muchowera Jacques est l'administrateur de la commune Wugenyudzi. Les hommes regroupés en association ou en coopérative peuvent-ils être accueillis dans cette banque? Si ces hommes regroupés en association ou en coopérative ou individuels sont recevables par la banque, quel est leur taux d'intérêt? Les participants à cette rencontre ont souhaité l'ouverture d'un guichet de cette banque dans cette province pour leur faciliter le trajet. Celui-ci est l'un d'entre eux. Nous vous demandons si possible, nous savons que chaque début est difficile. Même si vous ne pouvez pas avoir des guichets dans des communes, au moins ils font un guichet de la province pour assurer la liaison. À cette préoccupation, l'administrateur directeur général de cette banque indique qu'elle attend l'autorisation de la Banque centrale pour l'ouverture des autres guichets dans d'autres provinces. Marie Salomé Ndabaharié précise en outre que le taux d'intérêt pour les crédits octroyés aux hommes regroupés en coopérative est de 14%. Le gouvernement a pensé qu'il faudrait commencer avec les taux quand même qui ne sont pas très lourds pour permettre à cette population cible qui est même la femme d'émerger économiquement. Donc c'est 7% pour les associations et les coopératives des femmes et ça sera un taux entre 9 et 10% pour les femmes qui se présentent individuellement avec leur projet. Pour le volet commercial, c'est le taux de 14%. C'est pour le reste de la population qui ne fait pas partie de ces deux groupes cibles qui sont nos priorités, nos particularités. La Banque d'investissement et de développement des femmes a ouvert ses portes le 3 mars de l'année en cours avec un capital de 10 milliards dont 15% provient de la participation du gouvernement, tandis que 85% provient des communes du pays. Merci à toi, Moïse Misago. Et l'État burundais est prêt à dialoguer avec les groupes armés de Burundi opérant sur le sol congolais. Une assurance du chef de l'État, mardi, lors d'une conférence de presse. Le président burundais, Evariste Ndayishimiye, a en outre réaffirmé l'engagement de résoudre les problèmes de la population, quelle que soit la catégorie. Lors de cette conférence de presse, le numéro 1 burundais a annoncé l'importation de près de 10 000 tonnes de sucre pour pallier la pénurie du sucre dans le pays. Suivez le chef de l'État traduit en français par Didier Nyonzim. Concernant l'importation du sucre, il faut une mesure pour protéger la Sosumo. Si c'est nécessaire, c'est cette société sucrière qui le fait. Car l'on peut mener à la faillite la Sosumo sans le savoir. Il faut plutôt sa réhabilitation. S'il y a un peu de quantité, c'est cette société qui s'en occupe et je sais qu'on le fait. Nous volons au secours de cette société. Je sais qu'il y a 10 000 tonnes en cours d'importation. Le problème que nous avons, il y a aussi beaucoup de petites usines qui consomment du sucre. Le sucre, ce n'est pas seulement pour la consommation des ménages. Il y a notamment Fangas et Imena qui utilisent du sucre. Certaines de ces petites usines ont presque fermé suite au manque de sucre. Les consommateurs ont donc augmenté et je vous rassure, cela va trouver une solution. Pour le moment, on veut que les cannes à sucre soient cultivées par la population, qui les vend alors à la sauce au monde. Voilà, c'était le chef de l'État burundais, Evariste Ndayishimiye. Et l'enregistrement des moyens de déplacement non rémunérés en mairie de Bujumbura a été émaillé de beaucoup d'irrégularités. Propos tenus par le ministre ayant la sécurité dans ses attributions ce jeudi, lors d'une conférence de presse, le ministre Gervain Ndira Kobucha a précisé que les rapports fournis par ce qui était chargé de ce travail ont montré que le nombre des enjeux attendus a dépassé celui qu'ils attendaient. Selon le chef de la commission chargée de l'enregistrement, ce travail a été bien mené. Colonel de police Jimmy Ndayishimiye précise que les défis se sont observés lors d'enregistrements de vélos et de petites motos dites Jehokuki parce que ces moyens de déplacement ne disposent pas des documents. À 13h passé de 2 minutes, le journal continue. Page sécurité, un corps d'une femme a été trouvé le matin de ce jeudi sur la colline Gasegni, Kigwati 2, commune de Rugombo, province Chibitoke. Les informations données par les autorités à la base de cette commune précisent que le corps de cette femme a été vu par les gens qui se rendaient dans les champs très tôt et ont interpellé les agents de la sécurité. Le corps de cette femme a été dépêché à l'hôpital pour l'examen de l'autopsie. Pamphili Hakizimana, administrateur de la commune Uganda, confirme ces informations et fait savoir que les enquêtes sont déjà en cours. Une réunion de sécurité a été convoquée dans l'urgence et tout en exhortant par conséquent la population à bien collaborer avec la police pour mener à bon port des enquêtes. Rendons-nous à Rutana, page éducation. Les Kofo Kabingo 2 de Seguiharu en province de Rutana et sans latrine il y a à peu près 4 ans. 763 élèves de cette école utilisent pour les toilettes et les forêts les marais des environs. Le directeur de cette école explique que la destruction de ces latrines est due à l'effondrement du sol causé par la structure de ce dernier. Il craint les maladies des mains sales et demande aux autorités de leur construire des toilettes en matériaux durables. Les administratifs affirment être au courant de cette situation et font savoir qu'ils sont en train de chercher des aides pour que ce problème ait une solution. Les détails avec Venuste Niramag. L'école fondamentale Kabingo 2 se trouve dans la direction communale d'enseignement de Giharo en province de Rutana. Elle a un effectif de 763 élèves et 20 enseignants. Cette école a des problèmes liés au manque de latrines, comme elle a tout constaté. Les élèves qui veulent faire leurs besoins se rendent dans les forêts et les marins se trouvant dans les alentours de l'école. Les enseignants et les administratifs, quant à eux, utilisent les toilettes des différents ménages se trouvant dans les alentours de l'école. Les élèves interrogés à propos disent qu'ils se rendent dans des forêts et marins de crainte que le reste de la latrine pourrait leur retomber dessus. Ils craignent aussi des serpents et d'autres animaux qui peuvent se cacher dans ces latrines détruites. Selon Saïmana Gérard, directeur de l'école Kabingo 2, ce problème est là il y a environ 4 ans. Il fait savoir que les deux blocs de 4 latrines chacun, construits en 2008, n'ont pas eu la chance de survivre car ils se sont effondrés. La raison donnée par ce directeur est la structure du sol faite de sable, donc vulnérable aux aléas climatiques. Cette autorité qui craint les maladies des mains sales et qui craint à ce que ses élèves soient mordus par des serpents, demande à l'État de les construire des latrines en matériaux durables. De leur côté, les administratifs locaux affirment être au courant de la situation et font savoir qu'ils sont dans des procédures de chercher des aides pour que le problème des liaisons à l'Ecofo Kabingo 2 ait solution. Depuis Kabingo en province de Rutana, Venuste Ntiramuhaga, Radio Isanganiro. Merci à toi, Venuste Ntiramuhaga. Quittons la province de Rutana pour nous rendre de la province de Kayanza, où certains des fonctionnaires de l'État, présents en province Kayanza, surtout les enseignants, disent que les activités génératrices et de revenus entreprises après les heures de service leur sont beaucoup bénéfiques, et surtout ces jours-ci où la vie est chère à cause de la montée des prix. Ces activités sont entre autres le taxi moto, le commerce de la monnaie électronique. Akeza Anatole, représentant de la Confédération syndicale du Burundi en cette province, leur conseille d'être régulier au service de l'État. Patrick Sengyong. Certains de ces fonctionnaires de l'État, surtout les enseignants à Kayanza, exerçant d'autres activités génératrices de revenus après les heures du service avec lesquelles nous sommes entretenus, nous ont dit que cette idée d'entreprendre a jailli après avoir remarqué que le temps d'après le service n'est pas exploité chez pas mal de fonctionnaires de l'État. Un motard et un commerçant de la monnaie électronique, par exemple, contactés, nous ont dit que ces activités leur servaient beaucoup à subvenir à certains des besoins fondamentaux de la vie de tous les jours. Il y lance un appel d'ailleurs aux autres fonctionnaires n'ayant pas encore entrepris de le faire, surtout ces jours-ci où la vie est chère. Akeza Anatole, représentant provincial de la Confédération syndicale du Burundi, affirme lui aussi que la vie devient de plus en plus chère et qu'il est difficile pour le salaire que perçoit le fonctionnaire de joindre les deux bouts du mois sans entreprendre une autre activité génératrice de revenus. Son représentant de la Kosibu à Kayanza demande pourtant à ses enseignants qui exercent différentes activités génératrices de revenus de veiller à ce qu'ils soient aussi réguliers au service de l'État. Et puis Kayanza, Patrick Sengiumba pour la radio Isanganilo. Merci à toi Patrick Sengiumba. Et bien voilà, c'est ainsi que nous mettons un point final à ce journal. Mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de route, je vous fais un rappel des titres. On vous a parlé que le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a annoncé que près de 10 000 tonnes de sucre seront importées pour pallier à la pénurie de sucre dans le pays. Vous l'avez pu le suivre dans ce journal. Et beaucoup d'illégalités ont été observées lors d'enregistrement des moyens de déplacement non rémunérés en mairie de Bujumbura, ce qui a été annoncé par le ministre Gervais Ndirakobuca ce jeudi lors d'une conférence de presse. Et plus de 700 élèves de l'Ecofo Kabingo 2 à Giharo, province de Rutana, n'ont pas de toilettes, ce qui les pousse à se diriger vers les marais et dans les forêts. Voilà, fin de ce journal. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Jean-Marie Mayonga. Bon après-midi, au revoir.